les 18h sur Radio Dio et c'est l'heure de l'émission du Grémos. Du mercredi 12 mars 2025. Nous accueillons aujourd'hui en studio trois invités. Le premier a été ouvrier toute sa carrière à la société de forgeage de Rive-de-Gier et responsable de la section CGT au sein de cette même entreprise. Alain Roméas, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Le second invité est Maxime Dejob, qui est auteur et réalisateur et membre des 87 Revanchards. Bonjour Maxime. Bonjour. Et notre troisième invité est professeur émérite d'aménagement et d'urbanisme à l'université Jean Bonnet. Il a consacré sa thèse à Rive-de-Gier et est l'actuel président du Grémos. Georges Gay, bonjour. Bonjour. Alors, vous serez tous les trois interrogés par Jean-Michel Stenner, historien spécialiste de l'histoire sociale. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, bonjour à tous. Pour cette troisième émission de l'année et à l'occasion de la sortie du film « Sans soudure » qui rend hommage au passé industriel ripagérien et à ses ouvriers, nous avons choisi de vous proposer une plongée dans l'histoire de SFR, la société de forgeage de Rive-de-Gier, créée en 1832 par Jean-Baptiste Brunon. L'entreprise a connu plusieurs restructurations au cours du XXe siècle jusqu'à subir les effets du capitalisme financier et mondialisé qui entraîna sa disparition en 1983. Relancée immédiatement sous la forme d'une coopérative ouvrière, elle survécut encore 10 années. Je laisse maintenant la parole à Jean-Michel et à nos invités. Merci Karine. Je vais commencer par Alain. Alain, tu as travaillé toute ta vie, comme l'a dit Karine, dans cette entreprise. Alors, SFR, rien à voir avec la téléphonie mobile? Absolument pas. SFR, entreprise de forge. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette entreprise dans laquelle tu as travaillé? Qu'est-ce qu'on y faisait? Quel était le nombre d'ouvriers? Où était-elle installée dans Rive-de-Gier? Quelle place elle avait dans la ville? Eh bien, déjà, pour débuter, il faut remonter à 1832. Hein, Jean-Baptiste Brunon, effectivement, fait l'acquisition d'une forge de fonte et de cuivre installée dans le quartier de la Guerre, au quartier des Verchères, à Rive-de-Gier. Au fur et à mesure des années, la raison sociale évolue de par ses enfants, et puis après, à partir des frères, jusqu'à devenir en 1896 l'entreprise de renom Brunon et Valette. Donc important. Au summum, je dirais, du nombre de salariés, elle a atteint 800 salariés. Hein, et quand je suis rentré, moi, en 1969, nous étions encore 475. Donc à la création, les productions étaient plutôt des roues pour voies ferrées, des étambots pour les navires. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, je dirais, elle s'est spécialisée notamment dans l'armement, dans la fabrication des bouteilles de gaz pour gaz comprimé et liquéfié. Spécialisée aussi dans la fabrication des réservoirs pour la marine nationale, qui commençait de 3 litres en 3 jusqu'à 800 litres, hein, des choses énormes. Spécialisée aussi dans le corps d'accumulateur, hein, c'est simplement des produits dans lesquels on monte des chambres de façon à limiter, je dirais, les à-coups. Spécialisée aussi dans la production d'évier avec une entreprise évier Denis à Firmini. Spécialisée aussi dans les tourées à câbles. Enfin, il y avait une diversité très importante. Georges, est-ce que tu pourrais nous aider à replacer ça un peu dans l'évolution industrielle de la région? Parce que Rive-de-Gier, c'est quand même un des foyers. Alors, de la région, mais aussi... du monde. De la France. Et ouais. Pourquoi pas du monde aussi. Donc c'est une entreprise qui est emblématique développement du capitalisme industriel au XIXe siècle. Avec donc 1830, la fin de la première restauration, et c'est un tournant dans l'histoire de Rive-de-Gier, dans l'histoire industrielle de Rive-de-Gier. C'est, disons, le début de la fin de l'extraction minière, hein, qui va quitter progressivement et même assez rapidement, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la partie orientale du bassin, pour se recentrer sur Saint-Étienne. Et cette extraction minière est remplacée par d'autres activités, et, enfin par d'autres activités, principalement par cette activité de forgeage qui vient prendre sa place à la fois socialement, on va dire, hein, en termes d'emploi, en termes d'entreprise, mais aussi spatialement, puisque ces entreprises de forgeage qui se créent à partir de 1830, de forgeage industriel, s'installent toutes dans ce qui a été, au début du XIXe siècle, le centre de l'extraction minière à Rive-de-Gier, c'est-à-dire le quartier des Garandes, le quartier de la gare. La gare qui entre en service, il faut le dire aussi, à ce moment-là, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est 1832, c'est l'ouverture du chemin de fer, c'est donc ce nouveau développement industriel et la création de la forge industrielle La Combe est la première, hein, de ces forges industrielles, avant même, hein, la création de celle qui a été, qui est devenue emblématique de Rive-de-Gier, c'est-à-dire de Marel. Hein. Voilà. Alain, tu as parlé d'un certain nombre de fabrications. Je crois que l'entreprise Bruno Valette détenait en particulier un brevet qui a eu une très grande importance dans l'histoire de l'entreprise. Alors, pour remonter l'histoire des brevets, on devrait se tourner vers la période 1870-1900, où effectivement une vingtaine de brevets ont été déposés, avec à l'époque beaucoup de participation aux différentes expositions, notamment les expositions universelles, et l'entreprise a été récompensée à l'exposition universelle de Paris par 3 médailles d'or, donc quelques références. Et puis après, le dernier brevet le plus important qui a été déposé, c'est en 1960 dans l'appellation de la nouvelle bouteille PLF6. Alors PLF, c'était Pierre-Louis Faure, hein, c'était le directeur qui avait mis en place cette opération. Et effectivement, d'un seul coup, on avait diminué le poids de la bouteille de 70 kg à 60 kg. Donc, ce qui faisait une opération économique très intéressante, parce qu'on pouvait charger plus les camions, et donc c'était très important de ce côté-là. Et donc, quelque chose qui est réalisé sans soudure, d'où le nom de l'entreprise. Oui, effectivement. Alors, ça paraît surprenant au départ, mais effectivement, il faut comprendre que pour fabriquer une bouteille sans soudure, on part au départ d'un carré de métal de 200 par 200, hein, tout simplement. On va faire une première opération après avoir chauffé le lopin à 1300 degrés. On va faire une première opération qu'on appelle de perçage et qui nous donne l'impression d'un doigt de gant. Cette même pièce sera prise sur une presse verticale, là, au départ. Et la deuxième opération, elle sera montée sur une presse horizontale. Et on viendra tréfiler en fonction de la capacité de la bouteille qu'on veut obtenir. Donc on pouvait partir de bouteilles de 10 litres, 15 litres, 20 litres, jusqu'à 80 litres. D'accord. Oui, Georges. Oui, alors, il convient d'insister ici, hein, sur la continuité d'un héritage technologique, on va dire. Hein, c'est-à-dire que l'entreprise Brunon, devenue ensuite Brunon Valette, se crée autour d'un marché nouveau qui apparaît en 1830, c'est celui des bandages pour les roues de chemin de fer. Ces bandages en acier qui entouraient le corps de la roue qui était en fonte, fonte métal fragile, hein. Ces bandages en acier étaient initialement soudés. C'était une bande d'acier qui était soudée, mais la soudure présentait un point de faiblesse, hein, et ça entraînait très souvent des ruptures de bandages et des accidents. Donc le procédé proposé par Bruno et par d'autres, hein, d'ailleurs, à la même époque, c'est de fabriquer, donc au lieu d'avoir un bandage soudé, c'est d'avoir un bandage forgé par estampage, hein, un cercle forgé par estampage qu'on met autour du corps de la roue. Hein. Donc on a cette continuité, en quelque sorte, technologique qui s'affine, qui se développe, qui se complexifie, hein, au fil du temps, et dont la fabrication des corps creux sans soudure, comme on disait, et que telle était l'appellation officielle, cette fabrication-là est en quelque sorte l'aboutissement, c'est-à-dire une capitalisation technique qui s'inscrit dans une très longue durée. Et je crois que ça a eu des applications importantes pendant la Première Guerre mondiale. Tu as parlé tout à l'heure, Alain, du rôle que jouait l'entreprise dans l'armement. Oui, alors beaucoup de marchés d'État, hein, notamment pour la période 14-18, hein, puisque l'entreprise travaillait 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, quoi, hein, donc là très important. Et puis pour la Deuxième Guerre mondiale, le même phénomène s'est produit. Hein. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu en arrière sur la production des bouteilles. En 1963, après que l'entreprise soit passée de capitaux, je dirais plutôt familiaux, à des capitaux de grands groupes industriels, donc en 1963, il est réalisé un investissement très important, hein, sur la ligne bouteille, avec un groupe de presque 1500 tonnes, 300 tonnes, accompagné d'un four tournant CSO, chauffe sans oxydation, et ce qui a permis de gagner une chauffe. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait l'opération de perçage, on réchauffait de nouveau le métal pour faire l'opération de tréfilage, et à partir de cet investissement, 63, on faisait les deux opérations combinées avec une seule chauffe. C'était aussi un gain de temps très important. Et ça plaçait l'entreprise en pointe dans son domaine. Alors, si on doit repositionner l'entreprise, moi qui suis rentré en 69, en 77, deux ans après que Derain ait pris le contrôle, après un échange avec Cockerill, l'entreprise était leader européen. Et 15 ans plus tard, elle disparaissait purement et simplement. Alors, on y reviendra. Pourquoi ? Oui, Cockerill, qui est une entreprise belge. Oui, c'est un groupe sidérurgiste belge. Alors, l'entreprise a d'abord été contrôlée à partir du groupe industriel par la Providence. Hein, et puis après, la Providence a été sommée par l'État belge de rentrer dans le groupe Cockerill-Hougré. D'accord. J'aurais une dernière question sur cette première partie. C'est Brunon Valette. Il y a le nom Brunon et c'est comme certain nombre de capitalistes de la région. Brunon joue un rôle politique aussi. Oui. Qui veut répondre. Oui, Brunon a été maire de Rive-d'Égier, hein, à la fin du 19e siècle. Hein. Voilà, ensuite, donc Valette, c'était son gendre, si je me rappelle bien, qui a été alors lui-même maire, nommé par Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et Brunon est maire jusqu'en 1919, et ensuite il est battu par un candidat de gauche. Oui. Alors ensuite, il y a eu d'autres municipalités de gauche à Rive-d'Égier avant 1914. Ouais. Mais ensuite, toute la période de l'entre-deux-guerres est marquée par la municipalité socialiste de Claude Drivon, hein, qui a été un maire qui a marqué l'histoire de Rive-d'Égier. Et cette famille Brunon-Valette l'a laissé aussi des traces dans la ville, des traces urbanistiques. Enfin, il y a l'entreprise elle-même. C'est immense, je crois, l'entreprise SFR. C'est un bâtiment énorme. C'était une somme de bâtiments. Alors, pour bien comprendre cette entreprise, Brunon Valette était d'une importance et séparé par une route. Et à côté, tout à l'heure, Georges en parlait, il y avait la combe Baudel. Hein. Et donc, c'est en 61 où Brunon Valette, par fusion-absorption, a acquéri la combe Baudel, qui était en grande difficulté financière. Et c'est devenu la raison sociale, est devenu la société de forgeage de Rive-d'Égier. D'accord. Je précise, on en reparlera tout à l'heure, mais que donc, dans l'exposition que vous avez réalisée, il y a des très belles photos aériennes notamment, et prises à l'intérieur de l'usine, mais on en reparlera peut-être plus abondamment dans un moment. On va faire une petite pause musicale. Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal. Va dérivant, je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir. Navire de guerre, battu par les vagues, rongé par la mer, tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous, c'est moi qui délivre. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge. On vient d'écouter Bernard Lavillier chanter Les Mains d'Or, chanson qui rend hommage au travail des ouvriers de la sidérurgie. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 dans l'émission du Crémos, consacrée aujourd'hui à l'histoire de la société de forgeage de Rive-de-Gier et au film Sans Soudure. Et nous retrouvons tout de suite en studio Alain Roméas, Georges Guay, Maxime Dejob et Jean-Michel Stenner, nos invités du jour. Bien, après avoir entendu Bernard Lavillier, nous allons revenir un peu sur ton parcours, Alain, et plus précisément sur l'évolution de ta carrière, mais aussi sur le moment très important qui a été la liquidation d'entreprise et la façon dont les ouvriers ont essayé de la reprendre. Et pour ça, on va demander d'abord à Georges de nous présenter un peu le contexte industriel de ces années 70-80. Oui, alors... Donc d'une part, alors, cette société, j'avais dit tout à l'heure, emblématique du développement du capitalisme industriel, bon, elle connaît une expansion très forte dans un cadre national jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en gros, hein, avec par exemple un investissement absolument extraordinaire qui est la construction de cette halle de 300 mètres qui était à Éguerande, à l'entrée de Rive-de-Gier, qui était... un splendide bâtiment industriel. Alors, ceci étant, après la guerre, elle est progressivement prise dans des logiques d'internationalisation, avec donc la reprise, enfin l'investissement des forges de la Providence dans le capital, puis ensuite le passage progressif, enfin les forges de la Providence qui sont sommées par le gouvernement belge de s'intégrer à Cockerill ou Grès, etc. Et donc, de fil en aiguille, elle perd complètement la maîtrise de sa destinée, tout en conservant des capacités technologiques qui étaient tout à fait remarquables. Mais elle perd, le site perd son autonomie. C'est la place du capitalisme financier. Alors, je ne sais pas si on peut encore parler de capitalisme financier pour cette époque-là, si on peut déjà parler de capitalisme financier, dans la mesure où, par ailleurs, est-ce que le capitalisme n'est pas nécessairement financier, ça c'est une autre question. Mais disons que les financiers prennent la main dans le capitalisme. Mais par contre, on verra que on peut parler là quelque part de capitalisme aventurier dans cette période, la période de Rhin notamment, qui est tout à fait emblématique de cela et qui nous évoque d'autres aventures. On connaissait bien un des grands aventuriers de la période des années 80, qui était Bernard Tapie, et qui a sévi localement aussi. Tout à fait. On l'a oublié parfois, mais c'est le dernier propriétaire de Manu France. Donc c'est dans ce contexte, Alain, que vous allez avoir à gérer une grave crise. Mais tu vas nous décrire d'abord comment tu rentres dans cette entreprise, comment tu es accueilli, comment ça se passe, l'atmosphère générale, et puis comment petit à petit tout ça se dégrade, et ton rôle dans le syndicat. D'accord. Eh ben, ce qui me fait rentrer dans cette entreprise, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est qu'à 15 ans et demi, je perds mon père dans cette entreprise, d'un accident cardiaque. Et donc un an après, je suis le plus jeune d'une famille de 6 enfants. Et la vie m'impose d'aller au travail pour survivre ou pour vivre tout simplement. Donc je rentre et au bout d'un an, déjà je deviens militant syndical parce que l'injustice qui m'avait été faite de perdre mon père et d'arrêter la scolarité, c'était dramatique. Donc j'étais revanchard par rapport au futur de ma vie. Et je devrais dire aujourd'hui qu'elle m'a rendu service, cette revanche. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, arrive, je dirais, Dorin, qui vient de récupérer les trois quarts des actions de Cockerill-Ougré. Alors, Cockerill-Ougré restait quand même actionnaire à hauteur d'un quart, tout simplement parce que son ambition, c'était de toujours livrer de la matière première. Dorin, c'est qui exactement ? Alors, le groupe de Reims, c'est un groupe qui est arrivé dans le département de la Loire politiquement, puisqu'il est arrivé en venant contrôler la société de forgeage de Rive-de-Gier. Et puis, dans le département, notamment la Talaudière, il prend le contrôle de Socobert-la-Soupape, qui plus tard deviendra Cefamec. Il prend le contrôle aussi à Sorbier de Isochrome SNH, à Firmini des Éviers-Denis. Polymiroir à Lyon, et déjà qu'il était implanté en partie dans la région de la Sambre, donc voilà, et il va créer tout simplement un GIE qu'on appelle Groupement d'intérêt économique, alors qui sert à rationaliser, je dirais, toutes ces entreprises du groupe, mais aussi qui permet, je dirais, du côté financier de masquer un certain nombre de choses et d'éloigner la décision auprès des représentants du personnel. Je me permets de rappeler que nous avons fait une émission avec Michel Bouteille sur Socobert l'année dernière. On peut renvoyer les auditeurs parce qu'il est sur le site. Et donc, il a sévi à la Talaudière et il sévit à Rive-de-Gier. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, ce qui est très important, c'est que n'étant pas du tout forgeron, puisqu'il s'était marié avec la fille d'un pâtissier, il avait quand même un sacré coup d'œil, puisqu'il avait compris que dans cette entreprise, il y avait une technicité qui dépassait vraiment les... le sensationnel, je dirais. Et là, il s'est imposé à lui de monter des opérations usine clé en main. C'est-à-dire qu'avec le fonctionnement du GE, ça lui permettait de faire assez facilement ce qu'il avait envie de réaliser. Et donc, il y a eu plusieurs projets. Hein. Il y a eu en Turquie, en Roumanie, en Iran, en Indonésie et surtout au Canada. Au Canada, je dirais, le projet a été jusqu'au stade des essais. Hein. Ouais. Mais il n'a pas pu atteindre ses objectifs simplement parce qu'il prenait toute la trésorerie de Rive-de-Gier. Et à un moment donné, il n'a pas pu faire loin. Il a tenté de se raccrocher avec l'opération de licenciement de BSN à Rive-de-Gier, où il y avait un projet de 350 départs. Et là, sachant que c'était le groupe BSN et qu'il y avait des financements du côté, je dirais, social, plus que dans d'autres projets, donc il a essayé de s'acoquiner avec. Et dans la presse, en même temps qu'on annonçait des graves difficultés à l'entreprise de Rive-de-Gier, on annonçait aussi à BSN Rive-de-Gier 150 salariés qui allaient être licenciés seraient reprises à la société de forgeage de Rive-de-Gier. Donc voilà jusqu'où on a pu aller. Et donc à un moment donné, nous sommes arrivés aux plus graves difficultés, puisque tout à l'heure je disait que Cochry, il avait décidé à un moment donné d'arrêter, puisque les années 74 et 75, il fournissait de la matière première, mais il n'était pas payé. L'ardoise s'allongeait jusqu'au moment où ils ont dit on arrête la totalité. Et là, tout s'est effondré, malheureusement. Et je dirais qu'il n'y a pas que la société de Rive-de-Gier, puisque c'est Famec qui en a subi les conséquences. Et Viedoni aussi, même si aujourd'hui, je crois qu'ils ont une opération un petit peu sous forme de sapo, hein, mais voilà quoi. Donc Georges, Alain a parlé de GIE, groupement d'intérêt économique. Oui. C'est en gros ce qu'on appelle un holding. Pas tout à fait pas la même chose. Fait. Non, c'est pas, c'est une relève, enfin c'est pas, c'est une structure un peu gazeuse. Ah, d'accord. le holding, c'est le contrôle par une société de capitaux, mmh. de contrôle d'entreprise. C'est plus pyramidal. Tandis que le GIE, c'est plus quelque chose qui est plus horizontal. Mmh. Bien. Alors, cette entreprise, il y a un moment où dépose le bilan et vous vous trouvez confronté. Mais je voudrais, avant quand même, que tu nous parles. Ton rôle dans le syndicat, tu es responsable de la section d'entreprise, tu prends des responsabilités dans l'union locale ? Non, j'ai pas eu du tout de responsabilité à l'extérieur. Hein. J'ai fait un mandat d'élu, hein, mais j'ai pas eu de responsabilité en dehors de l'entreprise. D'accord. Et donc dans cette entreprise, vous êtes... à l'époque, 800 salariés, mais ça a diminué. Oui, mais en 69, et quand je rentre, on a encore 475. Quelle proportion de CGT, de syndiqués ? Eh bien, on était le seul syndicat dans l'entreprise et aux élections, on représentait 95%. Hein, donc c'était d'accord. quand même ouais. quelque chose de solide de ce côté-là. Et... Oui, c'était un bastion, quoi, comme on disait. Oui, c'était un bastion. Donc, je voudrais revenir après donc, sur l'opération de Rhin. Donc, ouais. il est contraint au dépôt de bilan en septembre 1979. Et pendant 8 mois, donc, cette entreprise est sous syndic. Et il y a une reprise effective à partir du 1er juillet 1980 par une trentaine d'industriels locaux. Mais je dirais que le tribunal de commerce et je dirais la préfecture n'ont pas fait le nécessaire, dans le sens où dans le cadre de cette reprise, ils n'ont pas attiré l'attention, je dirais, des méfaits des productions de Rhin au moment où ils ne pouvaient plus payer. Et en fait, l'entreprise ayant été reprise avec la même raison sociale, ils épousaient les actifs, bien sûr, mais surtout le passif, oui. et le passif qui avait des conséquences. Donc ces conséquences en fin d'année 1980, explosion de bouteilles, ce qui amène, je dirais, au gel du carnet de commandes, à la réintégration de produits qui étaient dans les différents parcs pour venir les recontrôler, une demande d'investissement par Air Liquide, donc des choses insurmontables. À cela s'ajoutent, je dirais, les conséquences d'une maladie professionnelle hein, qui a duré pendant 7 ans pour arriver à son terme et qui a amené, je dirais, le doublement des cotisations suite à la responsabilité de l'employeur. Donc tout ça amène à un nouveau dépôt de bilan au mois de juillet 83. À cette période-là, l'action syndicale en accord avec la direction en place, avant d'être licenciée, on fait une journée porte ouverte qui amène à peu près 800 salariés, hein, 800 visiteurs, pardon. Et donc voilà. Mais on n'arrive pas à remonter la pente et à ce moment-là, le syndic, en accord avec les pouvoirs publics, décide la liquidation judiciaire. Georges, je crois que c'est le moment où il y a un maire communiste à Rive-de-Gier. Oui, enfin, c'est plus que le moment, parce que André Géry a fait plusieurs mandats à Rive-de-Gier. C'est son premier mandat, ça. Alors, 77-83 est le premier mandat, effectivement. La ville de Rive-de-Gier s'investit dans, dans le sauvetage de l'entreprise. Alors, elle notamment en rachetant par une opération d'urbanisme hein, qui fait qu'elle peut réinjecter un peu de trésorerie, en quelque sorte, dans l'entreprise. Une opération d'urbanisme qui a été la reprise donc, des anciens ateliers, d'ailleurs, de la Combe-Bedel, qui sont à l'entrée de Rive-de-Gier, et à travers une opération qui s'appelait la ZAC Jean-Baptiste Berlier. Jean-Baptiste Berlier étant un ingénieur, alors, soi-disant, hein, on ne sait pas trop s'il avait réellement les titres, en tout cas, ça a été un grand entrepreneur du 19e siècle, qui était l'inventeur du télégraphe pneumatique à Paris, là, et d'autre part, le créateur de la compagnie Nord-Sud, qui était une compagnie de métropolitain à Paris, qui concurrençait la compagnie de... Et donc cette ZAC Jean-Baptiste Berlier, qui a retraité toute l'entrée de Rive-de-Gier, destruction d'anciens ateliers, une opération qui est une opération mixte, hein, avec à la fois du logement et puis de l'activité commerciale. Alors principalement commerciale, mais pas que. Hein, voilà. Oui, et alors donc dans cette opération, au moment du dépôt de bilan, vous faites une journée porte ouverte. Le soutien de l'opinion publique est très important. Est très important, mais nous n'éviterons pas, je dirais, la liquidation du judiciaire et le licenciement des 295 salariés. Donc, tout de suite, le mouvement initié par la CGT, c'est de sauvegarder l'outil de travail. Hein. Alors, c'est vrai que souvent, les patrons disent l'occupation, c'est pas que, c'est la sauvegarde de l'outil de travail, parce que quand vous êtes sous syndic, il n'y a plus de concierge, il n'y a plus personne à l'entreprise, donc ça peut être vite dilapidé. Donc ça veut dire que là on se met en marche et on va occuper 24 heures sur 24 l'entreprise en rotation en 3 postes. Et donc l'organisation syndicale avec le soutien des salariés donc va faire un certain nombre de démarches, que ça soit au comité régional de restructuration industrielle, que ça soit au ministère de l'Industrie ou du Travail, que ça soit auprès de Mermaz, politiquement c'était le plus près et le plus gradé, je dirais, du secteur de Rive-de-Gier, que ce soit RNU ou... Voilà, on fait un certain nombre de démarches. Parallèlement, donc, les pouvoirs publics mandatent dirigeants conseil pour faire une audite et l'organisation syndicale CGT mandate le cabinet CKFI Alpha pour faire aussi une audite de façon à ce que les choses se mettent sur la table. Parallèlement, un certain nombre de contacts avec des industriels français, voire étrangers, donc se déroulent. Mais nous sentons que les choses ne vont pas aller dans le bon sens. Donc avec le cabinet CKFI, dans lequel j'ai fait quelques quelques formations en économie, on se met en route pour faire une contre-proposition au niveau des salariés. C'est à quelle date, ça ? Ça, c'est entre juillet 83 et avril 84. Hein. Donc, on reste 9 mois à sauvegarder l'outil de travail. Mais on ne pouvait pas finir la lutte sans solution. Donc, on travaille sur la possibilité que la loi permet, c'est de bénéficier de 6 mois d'indemnité assédique, hein, pour recréer l'entreprise. Donc effectivement, on débouche avec un montant de 4 millions de francs pour 143 salariés. Vous avez mis toutes vos indemnités ensemble. Voilà, des 6 mois. Et donc les pouvoirs publics s'engagent par l'intermédiaire de la prime d'aménagement du territoire d'amener cette même somme. Donc au 1er avril 84, et effectivement, les choses se mettent en place sur ces bases-là. C'est créer une nouvelle structure, une nouvelle entité. Une nouvelle entreprise. Alors la raison sociale va changer, hein, puisqu'on a profité, je dirais, de la méconnaissance précédente pour changer la raison sociale, rajouter simplement un S, donc Société de soudage et forgeage de rivetiers, ce qui nous dissociait des actifs et du passif précédemment. Et cette entreprise, donc, elle va durer ? Alors, elle va durer, je vais développer l'étape. Donc, l'engagement de l'État, les 4 millions de francs, était programmé 1 million de francs en 85, 1 million de francs en 86 et 2 millions en 87. Par contre, les salariés, redémarrant au 1er avril 84, on avait mis nos 4 millions de francs. Le premier exercice, en 84, sur 9 mois, il est excédentaire. Celui de 85, il est excédentaire. Celui de 86, il est excédentaire. Parallèlement, donc, du côté de la prime d'aménagement du territoire, il n'y a pas de mise en place de leurs engagements. 87, dernier exercice excédentaire. Là, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est la dernière tranche qui devait tomber de l'État. Donc, elle n'arrive pas. On comprend que là, ils nous ont endormis, en quelque sorte. Et ça sera. Et en plus, donc, les agissements d'Air Liquide France qui disent Air Liquide Export ou solliciter plus Rive de G, mais ou solliciter le concurrent qui était Vallourec. Donc ça veut dire que après on n'a plus une charge de travail et donc on va dérouler malheureusement jusqu'en 89 où on sera contraint de déposer le bilan. Alors je dirais que c'est certainement la plus grosse décision pour moi, c'est en tant qu'administrateur de décider effectivement l'arrêt de cette entreprise pour un militaire. Ouais. C'est compliqué, mais il y avait aussi une responsabilité qui était importante. Il y a une petite question quand même, Georges. Tu peux répondre aussi, Alain. On est quand même, il y a un contexte politique. Tu as parlé de Mermaz, de Hernu. Donc au début des années 80, c'est la gauche. 87, c'est la première cohabitation. Donc il y a des décisions politiques qui sont orientées en fonction des majorités. Alors ouais. je dirais que c'était un gouvernement de gauche quand même. Alors, on était dans l'espoir, je dirais, d'être aidé. Et puis, à un moment donné, le constat venant qu'on allait rester sur le carreau, effectivement, on a décidé d'aller demander des comptes, purement et simplement. D'accord. Bon. On va faire une nouvelle pause musicale. Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale of when the red iron armpits run aplenty, put the cardboard fill the windows and old men on the benches. Tell you now that the whole town is empty. In the north end of town, my own children have grown. Well, I was raised on the other. In the wee hours of youth, my mother took sick. And I was brought up by my brother. The iron ore poured as the years passed the door. The drag lines and shovels, he was humming. prepare one day my brother failed to come home. The same as my father before him. With a long winter's wait from the window I watched. My friends, they couldn't have been kinder. And my school aid was cut as I quit in the spring. To marry John Thomas, a minor. All the years passed again and the giving was good. With a lunch bucket filled every season. But with three babies born, the work was cut down to a half a day shift with no reason. Then the shaft was soon shut and my work was cut. Vous êtes sur Radio Dio dans l'émission du Grémos, émission dédiée aujourd'hui à l'histoire de la société de forgeage de Rive-de-Gier et au film Sans Soudure. Et nous retrouvons tout de suite en studio Alain Roméas, Georges Gay, Maxime et Jean-Michel. Eh bien, nous venons d'écouter une chanson de Bob Dylan qui s'appelle North Country Blues, qui est extraite de son album, troisième album, si je me souviens bien. Chanson qui mêle la tradition du protest song des syndicats américains et du blues des Noirs touchés par la ségrégation dans le Sud. Dylan évoque ici une région où il est né, hein, que l'extrémité ouest du lac Supérieur, qui était une région de très grand, de plus grand bassin minier de fer au monde à l'époque. Et il a grandi à l'époque où la ville s'est petit à petit vidée parce que les capitalistes fermaient les uns après les autres les puits de mines. Et donc cette balade est écrite à travers la parole d'une femme qui voit d'abord partir son père, puis son frère, puis ses enfants et son mari. Et donc c'est une évocation, je trouve, déjà de la mondialisation, puisqu'il est évoqué le fait que les mineurs d'Amérique du Sud travaillent pour beaucoup moins bien, beaucoup moins cher que les mineurs américains. Et puis des fermetures de puits qui sont décidées brutalement, comme tu viens de l'évoquer, pour... la société SFR dont nous parlons aujourd'hui. Alors on va dans notre dernière partie nous tourner vers notre troisième invité donc qui est Maxime Dejob qui est membre acteur membre des 87 Revanchards, auteur et réalisateur et on va dialoguer enfin vous trois vous allez dialoguer sur ce travail que vous avez fait alors à la fois l'exposition à laquelle Alain tu as beaucoup participé l'exposition mise en place avec, par l'association ripagérienne de recherche historique, et puis le film que vous avez réalisé, Les 87 Revanchards, dans lequel Alain intervient et Georges aussi. Alors, tu peux nous expliquer un peu la démarche qui vous a amené à travailler avec, avec Alain et sur ce sujet ? Donc, Les Revanchards, oui, on est donc un collectif d'auteurs, d'autrices, réalisateurs, réalisatrices, basé entre Saint-Étienne et Saint-Joseph, un petit village au-dessus de Rive-de-Gier. Donc, notre local associatif, c'est une ancienne ferme, dans laquelle, l'été, on organise aussi un festival de cinéma plein air qui s'appelle Ciné Chaman, qui a lieu la deuxième quinzaine d'août, et dont cette année, ce sera la dixième édition, et Sans Soudure, bien sûr, sera projeté. Mmh. Et donc Alain, on le rencontre en 2017 parce qu'on fait un travail documentaire. On avait envie à ce moment-là de faire un travail documentaire sur le tournoi de foot de Saint-Joseph, qui est un tournoi de foot des jeunes de moins de 19 ans. Et en fait, Alain, à ce moment-là, était le président du club. Et donc quand on est allé toquer à la porte du club, on a rencontré Alain, il nous a ouvert grandement les portes et on a fait donc ce film. Et voilà, donc était notre premier long-métrage documentaire qui s'appelle « Le tournoi de Saint-Joseph ». Et Alain, déjà à l'époque, nous disait... J'ai travaillé dans une boîte à Rive-de-Gier. Il faudrait qu'on fasse quelque chose un jour autour de ça. Et bon, il nous évoquait ça comme ça quand on se croisait. Jusqu'au jour où on s'est mis à table début 2023, je crois, dans les locaux de la RRH. Voilà, pour dire, bon bah les gars, cette fois-ci, on y va. Donc on peut dire qu'Alain, il a, dans ce film, un peu joué le rôle du producteur, dans le sens où il est allé aussi chercher un financement, un budget pour le film. Mmh. Et il avait aussi la connaissance du dossier. Donc même pour les pour la dizaine de la petite dizaine de personnes qu'on a interviewées, c'est Alain qui avait choisi les interviewer. Et voilà. Et donc et ben nous on est rentré là-dedans par cette porte. Donc on a commencé le tournage en octobre 2023 par les interviews donc qu'on a essentiellement fait au musée de la Forge à Saint-Martin-la-Plaine. Donc voilà, donc là on avait déjà beaucoup de matière. Et ensuite, on a eu toute une autre matière filmique qui a été les archives municipales de Rive-de-Gier, qui avaient énormément de photos, les archives départementales aussi de la Loire, qui nous ont donné beaucoup de choses. Il y avait des archives vidéo aussi d'anciennes personnes qui ont bossé dans la ASFR, dont ils nous ont prêté leur rush. Super 8. Et aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, quelqu'un qui s'appelait Jean-Louis Grisery, qui était aussi délégué syndical à SFR, qui à l'époque a tourné plus de 2 heures d'image en Super 8, spécialement au moment de la lutte, en fait, à partir de 1983 jusqu'à un peu après, jusqu'en 85-86. Voilà, donc nous, on avait ces bobines qu'on est allé numériser à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Et après, avec toute cette matière qu'on avait, on a compris. On a d'abord essayé vraiment de comprendre l'histoire de l'entreprise, s'accaparer aussi l'objet. Mmh. Et ensuite, entre les interviews, la brochure aussi qui avait été éditée par la RRH en 2002, qui nous a donné une bonne base pour bien tout comprendre, et plus toutes ces images d'archives, on a construit le film de cette manière. Donc Georges, tu les as pilotés dans les fonds d'archives de Rive-de-Gier? Non. Moi, j'y suis intervenu, disons, d'une façon un peu plus extérieure. Mm-hmm. Alors, ceci étant, j'avais déjà été associé aux travaux de la RH sur SFR. Hein. J'avais préfacé la première édition de la brochure sur la société de forgeage. Et après, donc, ils m'ont sollicité pour venir faire un des entretiens réalisé à Saint-Martin-la-Plaine. Moi, ce que j'ai trouvé de très bien dans le film, c'est la manière dont toute cette matière a été montée, et pour produire un discours qui est tout à fait convaincant à partir de morceaux qui sont un peu disparates, on va dire. C'est du vrai travail de cinéma, quoi. Voilà. Tout à fait. Vous avez eu une formation préalable ou vous êtes lancé comme ça? Vous avez appris en marchant? On a appris en marchant. On n'a pas fait d'école de cinéma. On fait des films maintenant depuis pratiquement 15 ans pour la plupart. Ouais. Et c'est vraiment en faisant des films qu'on a appris à faire des films. On fait des fictions, plutôt des courts-métrages de fiction et du coup aussi parfois des documentaires. Et ce qui nous a aussi intéressé, ce dont on avait à cœur de faire avec ce film, c'était aussi, on parlait beaucoup, donc, parce que c'était le sujet du film, de la société de forgeage de Rive-de-Gier, mais on avait aussi à chaque fois envie de replacer tout ce qui se passait dans un contexte un peu plus général. Donc au cours du 19e siècle aussi, la construction du mouvement ouvrier, et puis comme on l'évoquait tout à l'heure, les différentes guerres, et à chaque fois essayer de remettre dans le propos des choses plus larges pour ensuite refaire l'effet de zoom sur l'entreprise et essayer de faire un va-et-vient comme ça. Et Alain, quand tu as vu le film pour la première fois, tu étais satisfait? Alors je vais d'abord faire une petite marche arrière. Simplement, si je me suis engagé dans cette opération, je dirais que c'est grâce aux résultats effectivement du petit travail qu'on avait fait sur le tournoi international de Saint-Joseph. Et moi qui suis pas du tout du métier, j'avais été déjà agréablement surpris, puisqu'à l'époque j'avais dit que je m'engageais à titre personnel en tant que président, j'allais me retourner derrière le conseil d'administration et si celui-ci me suivait pas, je trouverais le financement pour pouvoir faire l'opération. Et donc, à partir de là, et sachant la potentialité de ce qu'on avait entre les mains, j'ai dit banco, on y va. Alors, et pour tout dire, je savais ce qu'on avait en potentialité, je ne savais pas comment on allait atterrir. Et je me suis posé des questions pendant 2 ans quand même, 2023, 2024, je me suis dit comment on va sortir ça, et effectivement je suis agréablement surpris. Je suis d'autant plus surpris que les deux premières séances qu'on fait, on en programme deux. Au départ on en avait programmé qu'une parce qu'en se disant carte. Hein. Et puis on en programme quand même deux, hein, du jour au lendemain, comme ça. Et puis on fait le plein complet et on refuse du monde. Donc c'est quand même une surprise, quoi. Une agréable surprise. Et puis... je vois maintenant, il y a de la demande sur Saint-Romain-en-Jarez, sur Montbrison, sur Roanne, là, où donc maintenant il faut monter un calendrier. Et puis on va aussi faire une grosse opération à la rentrée pour les scolaires, puisque on était prêt qu'à mi-scolarité. Et donc c'est compliqué, il faut qu'on relance au mois de mai, juin, pour être prêt septembre-octobre. Quoi. Alors j'en témoigne, j'y étais le samedi, c'était effectivement très plein et une atmosphère tout à fait chaleureuse par rapport à... On a senti l'émotion du public et de Rive-de-Gier, quoi, parce que c'était quelque chose de... Et alors, une question par rapport à l'exposition, elle est faite avant, en parallèle, après ? Alors, l'exposition, en fait, elle était faite en deux temps. Georges le disait, en 2002, on a fait une première opération, donc une partie exposition qui était quand même succincte, avec un bulletin. Et là, en 2023 et 2024, donc, on a été chercher les choses au plus profond. Hein. Il nous reste qu'un petit volet qu'on n'a pas eu le temps de travailler. C'est un peu tous les résultats de cette entreprise tout au long de sa carrière, puisqu'en fait, on a tous les conseil d'administration, on a tous les éléments et il faut le traduire. Et c'est le souhait de faire ce prochain volet. Et vous avez une équipe à l'association de recherche ripagérienne d'histoire qui... Alors, on a plus, moi j'ai plus travaillé avec le collectif des anciens salariés, puisque d'accord. Malheureusement, il faut avoir la connaissance en partie de l'entreprise pour pouvoir être efficace. Mais autrement, sur le principe, oui, la RRH, on a une petite équipe sympa qui a besoin de se renouveler en termes d'âge. je remarque au passage de ce qu'a dit Maxime tout à l'heure, quand même qu'il y a tout un ensemble d'institutions qui ont participé. J'ai noté la Cinémathèque, les archives départementales, les archives de Rive-de-Gier. Je trouve que c'est un bel exemple aussi de cette synergie. Qu'est-ce que tu en penses, Georges ? Oui, non, ça a été un travail collectif, on va dire, hein, avec une convergence d'initiatives. Et après, moi, je pense que ce film, c'est un... c'est un moment de mémoire, hein, on va dire. Hein, et voilà. Et donc, à Rive-de-Gier, on a le portique de la place Chipier qui vient... Explique-nous ça, le portique. Alors, le portique de la place Chipier, que tous ceux qui fréquentent Rive-de-Gier connaissent, ce portique, il a été enlevé justement au moment de l'opération de la Zach Berlier. C'était une machine. Enfin, c'était un portique de manutention. D'accord. Hein, voilà. Et c'est un espèce de monument, un peu une statue de l'île de Pâques, et qui est un hommage... un hommage à la population ouvrière. Et donc, y a des plaques dessus. Hein, voilà. Alors, ce portique, aujourd'hui, on a l'impression qu'on se pose la question de pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas l'enlever. Il faut le laisser. Et c'est vraiment un monument à conserver. Et le film... Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Ouais. Hein. C'est, je crois, un monument à conserver, à valoriser et à faire connaître hors des limites de Rive-de-Gier, hors du territoire stéphanois aussi. Vous étiez nombreux à travailler sur cette, ce film. Le processus a été du coup long, ça a été l'équipe a un peu évolué au cours du temps. Pendant le tournage, on était 4 personnes, donc plutôt là, on était plutôt sur en tant que technicien. Au montage, on était plutôt 2, et ensuite on avait aussi 2 personnes à la musique, on avait aussi quelqu'un à la voix off, et on a quelqu'un ensuite qui nous a fait le mixage du film. Enfin, il y a une dizaine de personnes en tout, je pense, qui ont travaillé sur ce film. Vous avez eu des aides de la municipalité de Rive-de-Gier, mais d'autres aides ? Non ? Ben ça, c'était plutôt le travail d'Alain sur ce projet. Ouais. Producteur. Alors, du côté des aides, on peut dire que la mairie de Rivegier a fait un maximum, hein, parce que sans coup de revolver de départ, je pense qu'on n'aurait pas pu y aller. À côté de ça, effectivement, on a essayé de travailler différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de se déplacer dans les institutions pour aller déposer des dossiers, on leur a demandé de venir, en fait, sur place à Rivegier, en leur mettant sous les yeux des choses palpables, que ce soit les morceaux de films qu'on avait, toutes les archives qui ont été conservées, notamment exposition universelle, médailles, et là on a été plus convaincants. Donc on a été suivis effectivement par Saint-Étienne Métropole, par le département de la Loire, par le syndicat intercommunal des Pays du Gier, par le fonds de développement de la vie associative, hein, et puis à côté de ça on a été chercher 8000 euros vers des partenaires privés. Bien. La région, non ? Alors la région, malheureusement, je crois que je ne suis pas le seul à être déçu dans ce domaine-là. Vas-y. Et oui, je rajouterais juste quelque chose par rapport à ce que Georges disait. Oui, montrer le film en dehors de Rivegier, bien sûr, on serait et on sera très ravis. Et pendant qu'on faisait le film, on avait toujours cette chose en tête où on se disait, il faut que quelqu'un qui ne connaisse pas cette entreprise et même le territoire de Rivegier ou du département de la Loire puisse comprendre et puisse éprouver même de l'empathie pour ce qui s'est passé. Et donc on a essayé, dans la fabrication du film, de rendre la chose la plus universelle possible. Et je confirme que pédagogiquement, c'est très efficace. J'avais une remarque à faire quand même qui me paraît importante, c'est que la plupart du public que j'ai pu rencontrer ont appris tout sur cette entreprise finalement, alors qu'elle avait un maximum de médiatisation. En fait, on s'aperçoit que... Ouais. Elle était au cœur de la ville, mais derrière des murs, et donc comme souvent, on ne se rend pas compte de ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, je vous remercie tous les trois. Maxime. Merci. Georges. Alain, merci beaucoup. Merci. Et puis, je crois qu'on va encore parler un peu de cette entreprise avec ce que va nous dire Karine maintenant, pour terminer. Tout à fait. Pour terminer, je vous donne quelques informations importantes. Alors, en lien avec l'émission d'aujourd'hui et l'histoire de SFR, deux rendez-vous à retenir. Le film documentaire Sans Soudure, diffusé par l'association Les 87 Revanchards, sera projeté le jeudi 3 avril 2025 à 20h30 au cinéma Le Méliès Saint-François, 8 rue de la Valse à Saint-Étienne. La participation est libre. Sachez également que l'exposition préparée par l'ARRH et notamment par notre invité Alain Roméas sera visible dès demain aux archives départementales de la Loire, 6 rue Barouin à Saint-Étienne. Et cela, pour un mois, soit du 13 mars au 16 avril 2025. Et enfin, rappelons que le jeudi 20 mars, le Grémos s'associe à l'association Fenêtre sur le Japon pour vous proposer de découvrir la vie des mineurs japonais au début du XXe siècle au travers du film Creuser le Japon de la réalisatrice Kumagai Hiroko. Rendez-vous à la Cinémathèque de Saint-Étienne pour deux projections, une à 14h30 et la seconde à 19h. C'est la fin de cette émission. Merci à tous nos invités. Amis auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos qui aura lieu le mercredi 9 avril 2025 à 18h. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée sur les ondes de Radio Duo. Bye bye.